Chapitre 25. Elfrona. Il y eut un fracas métallique, puis le véhicule se mit à vibrer. Bell entendit Indira pousser un juron entre ses dents, mais ils ne ralentirent pas. Au contraire, ils accélérèrent et le vrombissement du moteur grimpa dans les aigus. Tison remua à côté de Bell, nerveuse. Le jeune Jedi caressa la fourrure de l'animal et perçut les variations de température à travers les différentes couleurs de son pelage. « Ce n'est rien, ma belle. Indira a juste cogné quelque chose. Tout va bien. » Il se trouvait à bord d'un autre véhicule créé sur mesure pour les Jedi par les entreprises Valkyrie. Un Vanguard, l'équivalent terrestre du Vector. Certains le surnommaient parfois « V-roue », même si l'appareil n'utilisait pas forcément ses roues pour se déplacer. Chaque avant-poste Jedi en possédait au moins un dans leur dotation standard, et le véhicule était conçu pour être utilisé dans l'ensemble des environnements planétaires où se trouvaient ces stations. On pouvait s'en servir soit comme transport terrestre à roues ou à chenilles, soit comme speeder à répulsion quand le terrain devenait trop accidenté pour l'engin, même configuré en char. Un Vanguard pouvait aussi faire office, quoique de façon limitée, de véhicule amphibien ou même de submersible, puisqu'il avait la possibilité de se rendre totalement étanche en cas de nécessité. Il était capable de tout faire à part voler. Et cela se révélait pratique sur Elfrona, où les champs magnétiques très puissants de la planète rendaient certaines régions totalement inaccessibles aux vaisseaux. L'esthétique générale de l'engin était analogue à celle des Vectors. Des lignes lisses et racées dont les courbes et les angles s'intégraient parfaitement à la géométrie harmonieuse de l'ensemble. Derrière les sièges de la cabine du conducteur, occupés à cet instant par Indira Stokes et Loden Greatstorm, se trouvait une vaste zone passager polyvalente avec assez d'espace pour entreposer l'équipement nécessaire à n'importe quelle mission. Les Vanguards étaient plus robustes que les Vectors, mais ils partageaient avec leurs cousins volants plusieurs caractéristiques liées aux Jedi. Le système d'armement nécessitait un sabre laser pour être déverrouillé, et la plupart des commandes étaient mécaniques, de façon à pouvoir, en cas d'urgence, être contrôlé par le biais de la force plutôt que de manière électronique. Généralement, un Jedi n'utilisait pas la force pour accomplir quelque chose d'assez simple pour être fait manuellement, mais des vies avaient été sauvées par le simple fait de pouvoir déverrouiller à distance une écoutille de Vanguard, utiliser ses canons ou même déplacer le véhicule. Bell ne se pensait pas capable de le faire et il n'était pas sûr que Loden le puisse non plus. Indira, peut-être. Question technologie, c'était elle, et de loin, la plus douée. Elle se mettait naturellement aux commandes quand il prenait le Vanguard, et ce jour-là ne faisait pas exception. Indira avait choisi la trajectoire la plus courte pour rejoindre leur destination, et filait à présent plein gaz en ligne droite à travers un paysage de collines basses. Il existait bien une route qui reliait l'avant-poste à l'espoir d'Ogden avant de passer par les différentes concessions, mais ce n'était pas une route directe. L'emprunter aurait pris plus de temps qu'il ne semblait en avoir, étant donné l'urgence du message qu'ils avaient reçu. Aussi, le trajet fut-il chaotique et mouvementé, mais ne dura pas longtemps, surtout avec Indira derrière le volant. Le Vanguard franchit un sommet. « De la fumée !» dit Loden. Bell se tourna pour regarder à travers le pare-brise et vit ce à quoi faisait référence son maître. Une large colonne de fumée noire s'élevait au loin, droit devant eux, bien visible maintenant qu'ils avaient franchi la crête de la dernière colline. « Si ce n'est pas la ferme des Blight, c'est celle juste à côté. Vous croyez que... » demanda Indira. « Ouais, » acquiesça Loden. « D'après ce que j'ai entendu dire, les Nihils détruisent tout sur leur passage. Ils s'emparent de ce qu'ils veulent et ravagent le reste. » Ils se servent de gaz pour attaquer aussi. Ça pourrait être ce qu'on voit là. Ça ressemble plus à un incendie, selon moi, estima Indira. Je te laisse le volant, Loden. Je vais prendre un veil pour jeter un coup d'œil à ce qui nous attend. Et ça nous donnera l'opportunité d'attaquer sur plusieurs fronts si les Nihils sont toujours là ou s'ils ont laissé des surprises, ajouta Loden. Indira hocha la tête. Elle s'extirpa de son siège tandis que Loden s'emparait du volant. Le Vanguard ralentit. La Jedi se déplaça jusqu'au compartiment passager et dépassa Porter Engel qui, assis en silence, fixait un point invisible de son unique œil. De l'extérieur, l'Ikrukien était calme, mais Bell percevait un bouillonnement d'énergie à l'intérieur du Jedi. Porter Engel, le gentil cuisinier créateur de mets inventifs et dispensateur d'aphorismes utiles, était en train de céder sa place à ce qui ressemblait à un volcan endormi sur le point de se réveiller. Frémissant de passer à l'action, empli d'une puissance inimaginable. L'ancien Jedi procédait à l'invocation d'un fantôme. Une de ses vies passées. Une version de lui-même dont les Padawans racontaient les exploits. Quelqu'un que les gens qui attaquaient des familles de colons sans défense préféreraient ne jamais croiser. « Vous allez bien, Porter ?» demanda Bell. « Oui, » répondit le vieux Jedi sans le regarder. Bell décida de le laisser tranquille. Il n'avait pas peur de Porter. Ils étaient tous les deux des Jedi, après tout. Mais il n'était pas sûr d'avoir très envie de rencontrer un fantôme. Indira se glissa entre eux pour rejoindre l'arrière du véhicule où les deux Veil étaient fixés l'un au-dessus de l'autre. Comme le reste de l'équipement construit par les entreprises Valkyrie pour l'Ordre, ces speeders avaient été conçus pour des utilisateurs de la Force et étaient, en tant que tels, des appareils extrêmement sensibles et nerveux. Guère plus qu'une selle sanglée à une structure creuse en duralium équipée d'un seul répulseur et de quatre éléments ressemblant à des ailes, un Veil n'était, au final, rien de plus qu'un bâton volant. Mais pour qui savait le piloter, il se révélait aussi rapide que maniable. Un groupe de Jedi juchés sur ses bolides et armés de sabres laser pouvait venir à bout de pelotons entiers de véhicules blindés en renvoyant les décharges de blasters en direction des assaillants. L'éveil était aussi incroyablement plaisant à piloter, et Bell aimait en prendre un pour se promener à travers les collines et les vallées entourant l'avant-poste d'Elfrona, les rares fois où Loden lui laissait une heure de temps libre. Indira décrocha l'un des appareils de leur support, puis frappa du pied le bouton commandant l'ouverture de la trappe arrière du Vanguard. Le panneau se souleva et une bourrasque chargée d'une odeur métallique s'engouffra dans le compartiment. « Sois prudente !» dit-elle à Bell. Puis Indira bondit hors du véhicule et les ailes du Veil se déployèrent aussitôt. Il la vit prendre le vent, s'éloigner en voltigeant et disparaître en un instant. Bell referma la trappe, puis alla rejoindre l'avant du Vanguard, non sans passer devant Porter qui ne disait toujours rien. Il s'assit dans le fauteuil récemment libéré par Indira. Tison s'allongea entre eux, et Loden tendit la main pour caresser la tête de la créature sans quitter des yeux ce qui se trouvait devant eux. À travers le pare-brise, la source de la colonne de fumée finit par se dévoiler. Une maison en feu. Un bâtiment à un étage situé au centre de ce qui avait été une jolie petite propriété. Une exploitation minière, manifestement. Loden ralentit, puis immobilisa le Vanguard à quelques centaines de mètres du brasier. Il se tourna vers son padawan. « Est-ce que tu sens la présence de survivants ?» Bell se projeta avec la Force. « Rien. Un vide froid. » « Non. » « Moi non plus. Mais il faut que l'on vérifie quand même. Voir si quelqu'un a disparu, ou s'il y a des indices sur ce qui s'est passé. Justice sera rendue ici, d'une manière ou d'une autre. » Loden ouvrit la porte située de son côté de la cabine de pilotage et mit pied à terre. Bell l'imita, Tison se glissant à sa suite. Porter émergea l'instant d'après, sa main posée sur la poignée du sabre laser rangée dans son étui. Bell se rendit compte qu'il n'avait jamais vu le vieil homme dégainer son arme. Pas une seule fois. Loden porta un comlink à ses lèvres. « Nous sommes arrivés à la concession des Blight, Indira. On dirait que les Nihil ont incendié la maison. On va jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose ?»« Rien !» répondit la voix d'Indira. « Je suis en train de prendre de la hauteur à un demi-kilomètre environ. Je peux être là rapidement, en cas de besoin. » « Je vous tiens au courant si je vois quelqu'un approcher. »« Parfait, » dit Loden, et il rangea son comlink dans sa ceinture. « On y va, mais pas trop vite. » Il fit quelques pas en direction de la maison en feu. Ils passèrent devant un enclos où plusieurs aciérés terrifiés s'égayèrent ou tapèrent du pied, les yeux exorbités et les naseaux frémissants. Porteur leva la main. « Tout doux, les amis !» chuchota-t-il. Et les bêtes se calmèrent immédiatement. Se laissant tomber sur leur arrière-train, elles se blottirent les unes contre les autres dans un coin de l'enclos. « Une épave de speeder !» indiqua Loden en montrant du doigt un tas de ferraille fumant non loin de la maison. « Des cadavres aussi. Et un groupe de droïdes miniers abattus par des tirs de blaster. J'imagine que la famille a essayé de se servir des droïdes pour se défendre. Ça n'a pas marché. Ou pas assez, en tout cas. » Porteur appela depuis l'endroit où il se trouvait près de l'enclos des aciérés. Accroupi près du portail, il observait avec attention une portion de terrain où le sol avait été piétiné. « Les Nihils ont volé des aciérés à la famille pour remplacer leur speeder. Je peux voir tout ce qui s'est passé, là, dans la poussière. 6 personnes. 4 prisonniers. » Il se leva et son regard semblait assez froid pour éteindre l'incendie. « 2 d'entre eux sont des gosses. » Belle observa la maison avec plus d'attention. Il y avait quelque chose sur la porte. Quelque chose de bizarre, comme une inscription, où... Il s'approcha d'un pas. La porte de la maison des Blight avait été marquée de haut en bas par 3 traits en dents de scie. Les contours étaient grossiers, irréguliers, comme gravés par une vibre-lame presque déchargée. « Il y a quelque chose là-bas, » dit-il en faisant un pas de plus vers la porte. Ces traits ressemblaient à des éclairs. 3 éclairs au contour déchiqueté. La chaleur émise par l'incendie était intense, mais le symbole exerçait sur lui une sorte de fascination primitive. Il se rapprocha encore, mû par le besoin de le voir le plus clairement possible. Tison aboya, cherchant manifestement à l'avertir de quelque chose. Belle s'arrêta pour se tourner vers le carbocanin. « Quoi, ma belle ?» lui demanda-t-il, puis il comprit pourquoi Tison essayait d'attirer son attention. 4 sillons de terre fonçaient vers lui à toute vitesse. « Des mines taupes » eut-il le temps de penser. Puis il fit 2 choses. D'abord, il projeta Tison loin de lui avec une poussée de force. Il agit avec le plus de douceur possible, mais l'objectif était de la mettre rapidement à l'abri. Quelles que soient les blessures occasionnées par cette projection, rien ne serait jamais aussi grave que de se retrouver pris dans une explosion. Puis Belle bondit à la verticale et sortit son sabre dans le même mouvement. Les mines taupes étaient conçues pour se précipiter sur leur cible en restant juste en dessous de la surface du sol avant de jaillir dans les airs et d'exploser à une hauteur 1 mètre environ en projetant une onde d'éclat accompagnée d'une couronne de feu émettant une chaleur intense. Elles étaient mortelles et cruelles, la plupart des gens ayant à peine le temps de réaliser qu'ils étaient attaqués avant d'être tués. 2 des mines taupes surgirent de la terre. Des cylindres gris foncé, dotés à l'extrémité d'une bouche pleine de rouages grinçants, moyen par lequel elle se propulsait sous la terre. Alors que Belle atteignait l'acmé de son bond, il les saisit toutes les 2 avec la force et les lança aussi loin qu'il le put dans les airs, un geste instinctif qui, il l'espérait, se révélerait suffisant. Les 2 mines restantes n'avaient pas émergé, leur cerveau primitif ne sachant plus où se trouvait la cible maintenant qu'elle ne touchait plus le sol. Il y eut un fracas retentissant, puis un second un instant plus tard lorsque les 2 mines en suspension explosèrent. Belle fut frappée par une vague de chaleur, intense mais soutenable. Dans sa chute, il repéra l'extrémité d'un sillon en contrebas et fit de son mieux pour tomber dessus. Belle atterrit en enfonçant la lame de son sabre dans le sol et réussit à empaler l'une des 2 mines restantes. L'ultime taupe jaillit dans les airs et, réagissant d'instinct avec la force pour seul guide, le Jedi la fendit en 2 avant même qu'elle n'atteigne son point d'explosion. Les 2 moitiés de l'engin se séparèrent de façon nette, puis tombèrent sur le sol, et Belle releva les yeux. Il vit Loden et Porteur occupés à repousser le même genre d'attaque, chacun à sa façon. L'Oden se servait de la force pour arracher les mines de la terre avant même qu'elles n'aient le temps de s'approcher de lui, les projetant dans les airs pour qu'elles explosent sans faire de dégâts au-dessus des plaines couleur rouille. Porteur, quant à lui, se tenait plié en deux, son sabre allumé à la main, une lame d'un bleu vif qu'il tenait en prise inversée. Sa technique consistait à trancher les mines à l'instant où elles bondissaient du sol, les unes après les autres. La manœuvre que Bell avait effectuée une fois, sans trop savoir comment d'ailleurs, Porter la répétait encore et encore. L'expression de son visage restait figée. Sa lame fendait l'air et les morceaux de métal pleuvaient autour de lui sans jamais l'atteindre. Bell comme l'Oden l'observait, subjugué. Ils étaient tous deux de bons bretteurs et l'Oden pouvait même se targuer d'être excellent. Mais il n'avait jamais rien vu de pareil. Ni au Temple Jedi, ni de la part de Maître Yoda, de Zaviel Tep, ou même du vieil Arkoff. Bell osait à peine imaginer ce que pouvait donner un duel contre Porter Engel. Cette démonstration de talent magnifique accaparait toute leur attention, si bien qu'ils ne virent pas la mine taupe qui se creusait un chemin jusqu'au Vanguard. L'engin jaillit de terre et se détruisit dans un paroxysme d'auto-immolation joyeuse. L'explosion éventra le véhicule et projeta Bell comme l'Oden au sol, leur laissant à peine le temps d'amortir le choc avec la force. « Vous allez bien ?» leur parvint la voix inquiète d'Indira. « L'Oden, Porter, répondez-moi. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe là en bas? Ça s'est mis à exploser dans tous les sens. » L'Oden laissa échapper un grognement et roula sur le dos. Il tira le comlink de sa ceinture. « On va bien, Indira. » Juste quelques surprises que les Nihil avaient laissées pour nous. Des mines taupes. On dirait que c'est fini maintenant, mais on a perdu le Vanguard. S'ils ont laissé des mines, c'est qu'ils craignaient qu'on se lance à leur poursuite. Réfléchit Indira. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi à s'enfuir. Je pense aussi, dit Porter en les rejoignant, son sabre laser de retour dans son étui. Ils doivent avoir un vaisseau posé quelque part dans l'une des zones de transit. Les champs magnétiques sont costauds dans les parages. Alors, ils ne pouvaient pas se contenter d'atterrir devant la maison pour capturer la famille. Ils ont dû se poser, puis venir jusqu'ici en speeder. Ensuite, la famille a détruit leur véhicule. Alors, ils ont volé les aciérés et se sont mis en route pour regagner leur vaisseau. « Comment on fait pour les rattraper maintenant ?» demanda Bell en poussant sur ses bras pour se relever. « Le verrou est foutu. » « Il reste encore 3 aciérés. » répondit Porter. Je peux les sceller et utiliser la force pour les convaincre de faire équipe avec nous, de mettre toute leur énergie pour sauver leur propriétaire. Si on se dépêche, on peut rattraper ces monstres avant qu'ils n'emmènent la famille hors monde. D'accord, fais-le, dit l'Oden avant de porter à nouveau le comlink à ses lèvres. Indira, on se lance à la poursuite des Nihil. Il y a des bêtes ici qui peuvent servir de monture. « Retourne à l'avant-poste et prends un vector. On pourrait en avoir besoin pour les suivre hors monde. »« Entendu, » répondit Indira. « Que la force soit avec vous. » L'Oden rangea le comlink à sa ceinture et marcha en direction des restes fumants du Vanguard. Les deux moitiés du véhicule étaient désormais séparées de plusieurs mètres, toutes sortes de débris éparpillés dans l'espace situé entre elles. Il s'arrêta près de ce qui avait été la cabine du conducteur. « Qu'est-ce que vous faites ?» voulut savoir Bell. « Les systèmes internes du Vanguard sont conçus pour résister aux attaques. En théorie, il peut se faire arroser par un millier de décharges et continuer à rouler. Maintenant, ce pauvre verrou ne se rendra plus nulle part, mais peut-être qu'il peut encore se montrer utile. » Il tendit la main et un long panneau métallique situé à l'avant du Vanguard se mit à vibrer pour finir par se soulever légèrement du reste de l'épave. « Aide-moi, Padawan. » Ce truc est bloqué. Bell tendit une main à son tour, et le panneau noirci se libéra dans une torsion de métal avant de s'envoler au loin à travers la plaine. L'Oden se pencha en avant et scruta les rouages internes du Vanguard. Ça m'a l'air intact. Levant la main, il serra le poing, et Bell entendit quelque chose de métallique se tordre et céder dans le compartiment moteur, un bruit sec comme celui de petites attaches soumises à une tension trop forte. L'Oden plongea la main dans les rouages et en sortit un tube métallique long d'environ 1,5 mètre, avec, fixé à l'une de ses extrémités, une sorte de panier grillagé contenant un bloc d'alimentation compact. Des câbles se tendirent, puis cédèrent alors qu'il extirpait l'assemblage, et l'on pouvait voir des composants électroniques reliés à un panneau métallique plat pendouillé sous le tube. Bell observa son maître entrelacer les câbles d'un geste vif pour confectionner une sorte de sangle et suspendre le tout dans son dos. Les extrémités du tube dépassaient de chaque côté de ses épaules et de sa taille. « Ouh !» grommela l'Oden. « Ça pèse son poids. » Il posa les yeux sur Bell et remarqua le regard interrogateur de son padawan. « Juste au cas où, » expliqua-t-il avec un grand sourire. Porteur revint de l'enclos, tenant à la main les rênes des trois aciérés aux flancs argentés, à présent scellés et prêts à partir. « Connectez-vous du mieux que vous le pourrez avec votre monture. Ce sont de bonnes bêtes, mais on va devoir leur en demander beaucoup. Il faut que vous leur expliquiez à quel point tout ça est important. » Bell n'était pas sûr de comprendre ce qu'il fallait faire. En même temps, songea-t-il, soit il se dépêchait de le découvrir, soit il risquait de se faire rapidement désarçonner et d'être laissé en plan. Il mit le pied à l'étrier et se hissa sur le dos de sa monture. Pas aussi gracieusement qu'il l'aurait souhaité, mais l'important était d'être en selle. L'aciéré poussa un hennissement et fit quelques pas de côté en secouant la tête. Il frappa le sol du sabot, exprimant son irritation de se retrouver avec un cavalier manifestement inexpérimenté, et des étincelles jaillirent là où le métal frappa la pierre. « Quelle direction, Bell ?» lui demanda l'Oden déjà installé sur sa monture. L'apprenti projeta son esprit en quête d'émotions comme la peur, la douleur, la colère, et finit par trouver. Pas aussi loin qu'il aurait pu le craindre en plus. Ils avaient une petite chance. « Par là !» indiqua-t-il, le bras tendu. Et ils se mirent en route.